Toi de prêt. Yeah. What to say? Uh-huh. Toi de prêt. Yeah. What to say? Uh-huh. Toi de prêt. Yeah. Are you ready? Uh-huh. Toi de prêt. Yeah. Come on. Hands.